J'ai pas compris. Et du coup, là, c'est vraiment un travail charrette et pas que je suis pas supposé faire, mais je prends en charge parce que. C'est vraiment un dernier. Instincts, donc ouais, stressé voilà. Là. Ouais. Parce que vous avez déjà promis à votre Trickstar une. Nous, on a rendu tous les documents il y a des mois, quoi, okay. Mais eux, ils ont mal travaillé. C'est vous qui êtes copeux, hein. Disons que soit je m'en lave les mains, mais je me retrouve à l'arrivée avec un livre qui est pas bien. À votre goût. Soit je décide quand même d'aller au charbon. Ouais, effectivement, d'aller de sans citer. Et du coup, je me retrouve à faire des trucs que j'avais pas prévu de faire. Alors c'est plus de temps, plus de malheureusement de Oui, alors que je suis supposé être cool et en vacances là depuis deux semaines, mais. Et là, ça s'arrête pas. C'est des vacances agitées. Mais ouais, voilà. Allez-vous en prendre véritablement des vacances? Oui. Je pars demain. Après-demain, je pars jusqu'à la fin de la semaine à un festival de rock. À quel endroit? En Haute-Savoie. Ouais. Musique en stock. Ok. Ouais, en plus vous adorez la musique. Ouais. Je suis invité, je vais en coulisses. Okay. Et je fais que écouter de la musique pendant 3 jours. Ah, vous êtes juge? Non. Je suis invité avec VIP. Marjorin. Ouais. VIP. On y va, ouais. Mais il y a le mec qui organise le festival qui a créé Radio Lucien. Ouais. Mais en fait, c'est une radio locale. Une radio libre. Voilà. Et Franck et moi, on fait les interviews. Bonjour. Ouais. Oh oui. Je vais prendre la même chose que monsieur. C'est un jus d'orange, ouais. Alors donc, ce qui est extraordinaire, avant de vous retrouver ici à Paris, au conservatoire, vous êtes né très loin. Oui, en Irak. En Irak. Ouais. À Bagdad. Oui, exactement. Vous avez grandi à Bagdad. J'ai vécu là-bas pendant 10 ans. Ok. Et en 69, j'ai été au Liban rejoindre mon grand frère, qui a 6 ans de plus que moi, et vivre chez ma grand-mère pendant quelques temps. Parce qu'en Irak, il n'y avait pas les... Je ne pouvais pas continuer mes études, quoi. Il n'y avait pas les classes supérieures. Aujourd'hui, est-ce que ça s'est modifié? Est-ce que c'est un endroit où on peut évoluer intellectuellement? Oui. Je crois que ça va pas ça très bien. Ça s'est embrouillé, non, exactement. Mais ça, oui, effectivement, mais ça, c'est ce que les médias nous amènent. Et en dehors de ça, c'est je la vérité. Je sais pas, moi, j'ai plus de contacts là-bas. Mais votre famille n'est pas là. J'ai des contacts encore au Liban où c'est un peu en dents de scie, quoi. Mais ça va, je veux dire... Le Liban, c'est un pays ultra-libéral, donc c'est un pays de banquiers, c'est un pays d'hommes d'affaires, et ils s'en sortent toujours, j'ai un copain qui est allé il n'y a pas très longtemps, il m'a dit que les différences sociales se sont accentuées, mais que là-bas, c'est les très riches sont vraiment, vraiment très très riches. Et les très pauvres sont... Encore plus, ouais. C'est genre, ils sont en train de construire des lofts d'artistes à Beyrouth. Mais c'est pas du tout pour des artistes, hein. C'est plutôt des garçonnières. Ok. Et donc, ceux qui ont aménagé ces lofts-là, ils peuvent aller à leur étage directement en voiture. Il y a une espèce d'ascenseur où ils peuvent rentrer en voiture et tout ça. Comme ça, ils emmènent leur maîtresse et ils n'ont pas besoin de sortir de la bagnole. C'est discret. Ouais, voilà. Ah, le s'est rendu malheureusement un endroit invivable pour un créateur. Voilà. Alors, l'Irak, je pense qu'ils ne sont pas au même niveau. Je crois qu'ils sont encore en train d'essayer de reconstruire le pays. Mais franchement, je n'ai pas de nouvelles autres que celles que vous avez, vous. À travers les médias, à travers les journaux, à travers la... Ouais. Et puis, à l'âge de 21 ans, vous avez fait le conservatoire, peut-être un petit peu avant. Je fais les Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, ouais. Ouais. Votre titre est BDI scénariste, c'est ça? Dessinateur scénariste? Ah oui, c'est chez là, vous. Ça fait chic, hein? Chez vous, vous dites BDiste, mais moi, c'est un terme que j'aime pas trop, en fait. Parce que moi, je me considère comme étant auteur, avant tout. Oui. Et je fais de, il se trouve que je suis auteur de bande dessinée, donc je raconte des histoires en bande dessinée. Et auteur de bande dessinée, c'est un terme qui est peut-être plus compliqué que BDiste, mais BDiste, c'est plus musicalement, je trouve que ça sonne pas très bien. Vous trouvez que c'est peut-être un peu péjoratif? Non, okay. Non, c'est juste une question de musique. Ça compte mal avec votre travail. C'est vrai, des fois. Pas un vrai travail. Mais ça me dérange pas avoir de vrai travail. Non, mais ça cadre pas le mot BDiste avec le travail que vous vous imaginez. Non, c'est juste la musique. La sonorité. La sonorité, ouais, qui me gêne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est peut-être aussi parce que le mot BD, c'est quelque chose qui est restreint, ouais. C'est marrant parce qu'on a moins de. C'est moins compliqué pour nous que pour, par exemple, les anglophones où ils ont pas de termes comme bande dessinée, donc ils ont cartoon, cartoonist ou comics, mais ils ont trouvé graphic novel, mais alors du coup ça fait trop, c'est compliqué quoi. Voilà, c'est juste une parenthèse pour emmerder le monde. Non mais c'est bien, surtout expliquer la véritable appellation. Donc vous êtes scénariste, dessinateur. Ou vice-versa. Oui, okay. Ouais, les deux ensemble. Auteur de bande dessinée. Et puis je fais des... Pochettes d'albums. Oui. J'en ai vu deux. Oui, avec Philippe, on a fait pas mal de pochettes d'albums pour Pascal Comblade. Est-ce que vous pouvez... On se tutoie ou on se voit? On a qu'à se tutoyer. Ok, parfait. On n'est pas sur France Inter. On a les deux plus récentes, c'est Pascal Comblade et Eric Truffa. Oui. Eric Truffa Quartet. Et puis on a fait une édition spéciale du dernier disque d'Igelin. Et on a fait la pochette. Le dernier d'Igelin? Ouais, Coup de Foudre. Ok, ouais. On a fait l'édition spéciale. Oui. Ce qui est un petit livre. Oui, effectivement. Et puis il a sorti l'année dernière un album en concert. On a fait la pochette aussi. Ouais. Donc on a beaucoup de chance. Ouais, mais c'est des gros noms, Igelin, quand même. C'est Igelin, c'est génial, parce que c'est quelqu'un qu'on écoute énormément, qu'on avait beaucoup écouté, et je pense que avant, jusqu'à l'album Aïe, je ratais pas un seul concert d'Igelin qui passait à Paris, quoi. Spectacle de 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures, ça dépendait. Voilà, et on appréhendait, Philippe et moi, la rencontre, puisqu'on avait toujours... Ok, vous l'avez vraiment rencontré, ah, c'est oui, pas à travers un attaché de presse, c'est à travers... Non, en fait, il enregistrait dans le studio de Rodolphe Burger, qui est dans les Vosges. Ah oui. Et Rodolphe et son assistant, Jérôme Bourdon, nous ont invités à venir assister aux enregistrements et éventuellement à faire quelque chose, à dessiner, à raconter en dessinant cette séance d'enregistrement. Mais surtout de rencontrer Igelin et de savoir ce qu'il voulait un peu comme concept, c'est ça? Bah lui, en fait, il était surtout... focalisé sur l'enregistrement ouais. Et puis sur l'écriture des paroles, etc. Donc après, il était vraiment en confiance avec Rodolphe, qui lui avait présenté des musiciens, donc ça se passait super bien. Certains musiciens avec qui Rodolphe avait déjà enregistré, comme le batteur Alberto Malo, ouais. Julien Perraudot, qui s'est occupé de l'enregistrement proprement dit. Et puis un bassiste, en fait le bassiste du groupe, du quartet d'Eric Truffa, ouais. Marcello Giuliani, et là aussi ça s'est tellement bien passé que finalement à chaque fois que Rodolphe lui présentait des gens, Igelin se sentait en confiance quoi. Mais parce que ça fonctionnait aussi. Voilà. Il sentait que donc tout il savait allait pas, bien. Donc... Il ne savait pas trop ce qu'on était venu faire, Philippe et moi. Puis okay. À un moment, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on était assis dans un coin, puis on dessinait. Et puis, on a dit, on est en train de dessiner. Mais vous dessinez quoi? On dessine la séance, quoi. Et puis, il nous a laissé faire. Et nous, on n'osait pas trop lui montrer. Enfin, on s'est fait le plus discret possible. D'ailleurs, les premiers dessins sont des plans d'ensemble, quoi. On est vraiment très loin de lui, on ne sait pas trop s'approcher. Et comme la pièce où il enregistrait, c'était une grande, grande pièce où tous les instruments étaient là, et même la cuisine était là, enfin. Et puis petit à petit, on s'est rapproché. Je crois que c'était vers la fin de notre séjour qu'il a dit... à un moment, ça, il avait des problèmes pour enregistrer des parties de clavier. Non, c'est pas grave, ça capte très bien, faites-vous en pas. On entend à peine le son. Ouais, moi, je suis le Parisien de base. Okay. Quand il y a des pompiers qui passent, je veux savoir si c'est pas, s'ils se dirigent pas vers chez moi. Ah oui, oh, ok. Non. Et puis, c'est positif. Et oui, okay. Là, ça va. Excellent. Ici, tu ne reconnais pas quelqu'un à l'intérieur, non? Là, ils se sont arrêtés. Je pense qu'ils ont juste mis la sirène pour passer le carrefour. Il devait avoir un rabais à quelque part. Ouais, là, il y a un deuxième carrefour. Et voilà. Donc... On venait avec Ghislain. Ouais, il avait des problèmes pour caler des claviers sur un morceau. Donc il était un peu tendu, puis à un moment il se lève et puis dit bon allez, il faut que je passe mes nerfs sur quelqu'un. Oh. Puis il se tourne vers moi, il me dit vas-y, c'est le moment de me montrer tes dessins, toi. Ok. Alors, pour se détendre. Donc toi ça t'a stressé, hein? Ça te détend quelqu'un pour en stresser un autre. Non, mais là ça faisait déjà un bon moment qu'on avait passé ensemble, donc on avait sympathisé, puis c'est quelqu'un d'extrêmement direct généreux et simple et enfin d'accès, quoi. Ouais, t'as pas la grosse taille. Ouais. Et donc le courant était déjà passé, donc j'étais un petit peu plus moins stressé. Ouais, moins stressé, moins embarrassé. Ouais. Quoi. Donc je lui montre les carnets, puis il a trouvé ça vachement bien. En fait, ça lui a changé les idées et il est revenu poser la partie de clavier sereinement. En fait, tu te sentais un peu comme un élève qui montrait au professeur ses dessins, le travail. Pas vraiment, parce que non, j'attendais pas des corrections. Non, mais j'avais peur qu'il y ait une réaction de rejet complet, disant « Mais c'est quoi ces merdes ? Déjà que c'est compliqué d'enregistrer, oui, si ça, en plus vous mettez dans les pattes des dessinateurs qui font de moi un veau ambulant. » C'est ça que je redoutais. Ah, oui, quoi. Okay, okay. Mais c'est pas du tout ça, mais ça me plaît pas du tout. Parce qu'il peut être comme ça, hein, quand ça lui plaît pas, il est très très direct. Oui, c'est genre. Il commence vraiment à pourrir la personne. Oui. Il fait pas. Il y va pas par quatre chemins. Ça, c'est tout ou rien, Ghislain. Mais j'aime bien aussi ce genre d'attitude, parce que d'abord ça a le mérite d'être clair. Et puis c'est le genre d'intensité qui fait qu'en musique, c'est ça ou c'est pas ça. On voit le résultat. Ouais, c'est ça, ça passe ou ça casse. Ouais, ouais. Alors quand t'es intègre, tu l'es. Ouais. Et puis les études se sont faites à Paris. Oui. J'ai fait un peu de beaux-arts, un peu d'art appliqué. Je fais un petit panachage. Ok. Tu dessertif ou c'était parti avant? Je suis parti avant parce que à l'époque c'était mal vu de faire la bande dessinée dans les écoles d'art. Et c'était au Beaux-Arts, c'était même les dessinateurs, c'était un peu les parents pauvres de l'art déjà. Donc l'atelier de dessin où j'étais inscrit, il se passait pas rien. Je crois que en un an, j'ai pas vu le prof. Je savais pas qui était le responsable de l'atelier. C'était en section de peinture où les choses se passaient vraiment, mais c'était l'époque où si on peignait vraiment, c'est-à-dire si on touchait la toile avec le pinceau, on était le dernier des ringards, quoi. Et moi, je voulais dessiner, je voulais faire la bande dessinée, voilà. À tout prix. Voilà, et puis parmi les graphistes qui m'intéressaient, il y avait Tommy Ungerer, par exemple, qui était complètement ignoré en France, Ralph Steadman, tout le monde s'en foutait, enfin, Ronald Searle, mais de toute façon, l'illustration, à ce moment-là, en France, c'était vraiment... assez balbutiement, ou c'était mal représenté, disons qu'il fallait que ça soit hyper réaliste, hein, et que ça soit fait à l'aérographe, hein. Et donc, ce qui marchait très très bien, voilà, c'était l'hyper-réalisme. Et moi, ça m'emmerde, ce truc. Donc, on est allé d'autant plus avec détermination vers la bande dessinée, et Philippe et moi, parce que de manière complètement parallèle. Mais il se trouve, vous êtes rencontrés là? On s'est rencontrés dans le milieu de la bande dessinée, mais on s'est vachement rapprochés, parce que j'ai tout de suite vu dans son travail qu'il était vachement intéressé par le travail de Tommy Ungerer et lui il a vu que j'étais vachement influencé par Hal Steadman. Et c'est pas des références qui étaient citées dans le milieu de la bande dessinée, non, où à l'époque les références étaient vraiment propres à la bande dessinée, quoi. Et puis en plus, c'est vrai que Philippe voulait faire des affiches. Dans son travail aux Arts Déco, il y avait des affiches, des projets d'affiches. Et moi, j'avais commencé par publier des dessins dans Le Monde, le quotidien. Et puis, j'avais fait des affiches pour une association en banlieue qui organisait des festivals de musique, quoi. Enfin, fais-tu un cas ? Pardon ? Est-ce que tu vas faire un cas ? Je fais encore des affiches, ouais, c'est moins qu'à une certaine époque, parce que d'abord on n'a plus d'agents qui nous représentent, Philippe et moi. Donc on fait des affiches quand on vient nous chercher, on court plus après, donc forcément on en fait moins. Mais quand on nous demande un travail, maintenant c'est notre univers qu'on nous demande. Donc, c'est plus confortable, quoi. Et puis on peut plus travailler comme avant, Philippe et moi, c'est-à-dire on peut plus se plier vraiment au désir d'une agence de pub. Le mieux c'est quand on travaille directement avec quelqu'un. Ouais. Si on vient vous chercher. Ouais, voilà, ça je préfère, quoi. Et puis là, ouais, c'est ça, tu as commencé à faire des affiches. Oui, et donc quand on s'est rencontrés, Philippe et moi, on a vu qu'il y avait cette part du travail de dessinateur qui nous intéressait, c'est-à-dire le graphiste, l'affichiste et tout ça. Donc ça nous a rapprochés, on a discuté et puis on s'est dit, tiens, on pourrait déjà commencer par faire des bandes dessinées ensemble, mais on ne savait pas comment on allait travailler, sous quelle forme. Et voilà, petit à petit, on s'est retrouvés à enchaîner les projets sans que ça soit prévu dès le départ de travailler aussi longtemps ensemble. Et à chaque fois qu'on est allé vers des projets un peu atypiques par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, bah, il se trouvait qu'on avait envie de les faire ensemble, donc on a continué. C'est vrai que c'est une collaboration qui était aussi parfois un peu chahutée par les rythmes de vie qu'on pouvait prendre l'un et l'autre et qui n'étaient pas forcément compatibles. Comme au début, quand Philippe a eu, je crois, il a eu un enfant je crois 2 ans avant que ma compagne ne tombe enceinte, donc okay. ça fait des différences. Ah ouais, okay. Mais à chaque fois, on s'est mis au diapason de nouveau, quoi. Puis il y a des périodes comme ça qui font que effectivement on développe des projets solo, voilà, qui finissent par bonjour. Désolé, oui. On va arrêter. Vous allez vous décaler parce qu'ils reçoivent une livraison. D'accord. Ok, oui, il y a pas de problème. Alors, c'est merci. Les deux tables du fond là-bas. Moi je vous emmène ça. Merci. Et puis mais on va derrière l'ombre. On va peut-être déjeuner ou après là. Ouais, d'accord. Ou installez-vous. Un petit peu à l'ombre, ça te va. Ouais, non mais place-toi à l'ombre, il n'y a pas de problème. Je sais pas s'ils veulent nous donner 2 tables partout. Ben, laquelle tu veux, celle-là? Ouais. Ok, on va libérer ici. Et voilà. Non merci. Merci. Non merci. Non merci. Pas de monnaie du non merci. Ouais, moi j'attends. Merci. T'es en vacances ici pendant un moment? Oui, ou ben, plus ou moins, je repars samedi. Ah ouais, ouais. D'accord. Ah ouais. Donc je suis arrivé vendredi, je repars samedi. Ah d'accord. Donc oui, c'est un sprint. C'est des rencontres sur rencontres. Alors oui, tu disais que avec Philippe. Avec Philippe, ouais. Vous étiez. Ah, c'est à moi ça? Oui, ouais, ça c'est le tien. Ouais. Vous étiez en duo, mais à un moment donné, un a eu un enfant, l'autre a pris 2 ans pour. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'est on a fonctionné un peu comme un. Au début, on a fonctionné comme un duo qui était en totale fusion. Après, on est passé à un mode genre travail à temps partiel. Et ça marchait très bien aussi. Chacun travaillait dans son coin et puis amenait à l'autre. Voilà, c'est ça. Ça a été un. Par exemple, quand Philippe a eu son môme, il a levé le pied pendant 6 mois. Puis du coup, voilà. Puis moi, après, ça s'est rééquilibré par la suite. Parce que moi, quand. Ça a été mon tour d'avoir un môme, c'est lui qui a travaillé pendant 6 mois et puis moi je suis tourné les pouces. Donc à chaque fois qu'on a réussi à adapter cette manière de travailler qui a fait qu'on a continué comme ça, ouais, effectivement on a. Ça va bientôt faire, je sais pas, je crois 28 ans qu'on bosse ensemble. Alors c'est presque une œuvre par année. Oui, enfin, c'est les choses se chevauchent, puis il y a des choses qu'on travaille, des livres qu'on travaille sur 3-4 ans, et puis d'un seul coup tout paraît en même temps. Enfin, moi j'ai le défaut de vouloir démarrer plusieurs projets en même temps. Ok. Et Philippe a la qualité de s'entêter sur quelque chose qui peut devenir un défaut parce qu'il est toujours réticent à se lancer dans une nouvelle direction. Ouais. Mais ouais. Tu travailles uniquement avec Philippe ou si tu... Non, bah là dernièrement, on a pris des... Salut, ça va? Ça va? Ouais. C'est Michel du label Fargo. Ok, oui. Qui a son magasin juste à côté. Ok. Ouais. Alors donc c'est... Là dernièrement on a pris vraiment des rythmes très très différents parce que d'abord Philippe vient d'avoir un bébé de nouveau et donc moi j'ai entre temps j'ai fait un scénario pour Christophe Gauthier donc Tombé du ciel, deux bouquins qui... Il y en a un premier qui est paru en février je crois de 2011. Cette année 2011, okay. Ouais, et le prochain va paraître la dernière semaine d'août. C'est une suite. Oui, oui, c'est une histoire en deux volumes. Ça s'appelle Tomber du ciel. Et puis, j'ai fait des bouquins en solo. J'ai fait des livres avec ma compagne, Anna Rosen. Des livres. Un livre qui s'appelle Les gens, notamment, qui est paru chez Alain Bollet, où elle avait noté dans ses carnets des conversations qu'elle prenait dans le, qu'elle écoutait enfin dans le métro, dans le train, etc. Et moi, je dessine pas mal les gens dans la rue, dans le métro, dans les trains, notamment les gens qui dorment. J'adore dessiner les gens qui dorment dans le train. Ouais. Okay. Ouais, parce qu'ils bougent pas, donc c'est assez pratique. Okay. Et puis on a fait un livre avec ces petits moments, ces petits instants volés, soit graphiquement, soit littérairement, narrativement. Ouais. Voilà. Ouais. Oui, enfin, disons qu'on continue à travailler ensemble, mais pas de manière exclusive. Mais l'envie de continuer à travailler ensemble est toujours là. Après, il faut arriver à accorder nos emplois du temps, quoi. Mais c'est de moins en moins facile avec les enfants, avec. Moi, j'ai projets. Retrouvé. Moi, je suis dans. Là, pour le coup, je suis vraiment dans le côté inverse. C'est-à-dire que moi, ma fille, elle a 19 ans maintenant, et moi, du coup... C'est terminé, là. Ouais, avec ma compagne, on a vraiment une vie comme avant, quoi. On sort, on n'est pas obligé de planifier, on n'est pas obligé... Quand on part en voyage, on n'est que tous les deux. Moi, je peux aller voir plein de concerts. Je peux travailler à n'importe quelle heure. Enfin, bon. Alors que lui n'est vraiment pas maître de son temps là, depuis plus d'un an maintenant. Il recommence à zéro. Mais oui, et ça lui plaît beaucoup. Il est vraiment très heureux. Ouais. Et moi, pour moi, c'est inenvisageable de recommencer faire un bébé. Ah non, non, non, moi, c'est pas possible. Mais lui, il en est à son troisième môme. Hein. Okay. Toi, moi, j'ai une fille. Okay. Voilà. J'ai une fille de 19 ans. Okay. Voilà. Est-ce qu'elle suit la trace de son père ou... Non, non, non, pas du tout, non. Non, non, elle est... là, elle fait de la littérature anglaise. Ok. Voilà. Et ton travail... c'est toujours, à un moment donné, joint à ton camarade. Alors, donc, c'est toujours cette flamme-là qui reste. Et vous repartez comme si vous étiez que... Même si vous arrêtez quelque temps, à chaque fois que vous reprenez, c'est... Bah, on a aussi changé de cap très souvent. Bah, après, il y a, disons, des sujets qui nous titillent, qui restent plus ou moins toujours les mêmes, mais qu'on transpose dans différents univers. C'est-à-dire que finalement, il y a un lien entre Henriette, Monsieur Jean, les bobos, même Petit Peintre. Moi, je vois bien le lien qu'il y a entre Petit Peintre, Henriette et Monsieur Jean, par exemple. Et puis les bobos, c'est vraiment... Et en plus, à chaque fois, c'est des personnages qui vieillissent. C'est-à-dire que... Avec vous. Bah oui, tout compte fait, c'est-à-dire que là, au début on s'était dit, mais Monsieur Jean, il va vieillir. Bon, il a vieilli, hein. Il a pris 10 ans entre le premier album et le dernier. Mais si on prend toute notre généalogie de personnages, bah, ils grandissent en âge, comme si c'était un seul et même personnage, finalement. Ouais. Avec ce truc des bobos où on... Plutôt que de s'intéresser à une seule personne, on s'intéresse vraiment à une communauté ou à une tribu ou à, disons, on dresse un portrait d'ensemble. Vous avez des personnages et vous les choisissez quelquefois, vous c'est, les prenez. C'est une espèce d'observation vraiment tournée vers l'extérieur, mais peut-être aussi parce qu'on a... développer vachement plus les bouquins où on est vraiment à la première personne. C'est-à-dire qu'on avait fait ça avec le journal d'un album, oui. Puis Philippe a fait Hanté, qui est paru chez Cornelius, et puis moi, avec le dernier Jukebox, je me mets vachement en scène. Mais c'est moi et c'est pas moi non plus. Enfin, bon, là, maintenant, j'ai trouvé un moyen de me mettre en scène, d'abord en évitant de mettre en scène mon entourage, parce que ça, j'ai pas du tout, mais pas du tout envie de prendre cette responsabilité, et puis de faire parler les autres, ni devoir leur faire lire ce que je leur ai fait dire pour éventuellement une correction. Donc j'utilise mon personnage que je transforme à l'envie. Enfin, en plus, je peux me rendre idiot, ridicule, comme je veux, enfin, ça ne me pose pas de problème. Mais c'est à travers un personnage, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça devient un personnage de papier, voilà. Puis du coup, j'en profite aussi pour raconter mes propres trucs. Et puis, Boboland, ça devient vraiment le regard qu'on porte sur le monde qui nous entoure, quoi. Et ça s'est complètement dissocié de ce travail... disons d'observation qu'on avait un petit peu plus développé dans Monsieur Jean par rapport à Henriette. J'ai même envie de temps en temps d'aller carrément vers le documentaire, quoi, parce que j'ai filmé été... ou un documentaire. Non, non, en bande dessinée. Okay. Je suis assez attiré par le travail qu'a pu faire Emmanuel Guibert, oui. Joe Sacco. J'ai pas d'autres exemples qui me viennent à l'esprit. Étienne Davodeau avec Rural. Ça me plaît bien, moi, cette veine-là, et j'ai envie de le faire. C'est une responsabilité, encore une fois, et je sais pas si je suis capable de prendre ce genre de responsabilité. Donc, jusqu'à présent, je m'étais dit, tiens, ça m'amuserait de travailler pour une fois avec un journaliste, quoi. Et la rencontre ne s'est pas encore faite. Alors, peut-être qu'elle va se faire. C'est en veilleux. Vous attendez que... Bah, j'attends qu'il y ait une occasion une rencontre, ouais, qui soit la bonne avec... Mais c'est de rien forcer un jour. Non, ça... non, moi je force jamais rien. J'essaye de faire les choses toujours le plus naturellement du monde. Mais il faut dire aussi que tu as tellement de projets que celui-là va se réaliser un oui, jour. Voilà, ouais. C'est-à-dire que je déclenche les choses. C'est pour ça que j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. C'est que du coup, je peux... d'autant plus facilement laisser chaque projet prendre son propre rythme. Et alors au début je m'affolais quand je mettais 4 ans à finaliser un truc, mais finalement j'aime bien, j'ai mis 4 ans pour faire, pas en travaillant tous les jours dessus, pour faire Sacha qui est paru chez Cornelius, Jukebox, je crois que la première histoire je l'ai faite tout de suite après la publication de Playlist, donc ça remonte à 2005-2006. Le bouquin est paru cette année. Mais des fois, c'est assez long entre la copie finale et le fait de se retrouver dans les bibliothèques. Je crois que dans les librairies. Il y a des projets où ça va très vite, comme Boboland. Il y a d'autres projets où ça va lentement. Chaque projet a son propre rythme. J'aime bien la phase de rumination pour un scénario parce que ça permet de laisser reposer plusieurs idées, de voir comment elles vont s'entremêler. Et je crois aussi quand on essaye de démarrer une voie qu'on n'avait pas encore abordée auparavant, et c'est pas mal de s'assouplir dans cette nouvelle voie, développer quelque chose et quitte à ce quelque chose ne soit utile qu'à un assouplissement, quoi, un rodage, je sais pas comment on peut dire ça autrement. En musique, par exemple, plus on joue un morceau, plus on le joue naturellement. Quoi. Ouais, et je crois qu'une histoire, et c'est probablement la grande force qu'avait la tradition orale sur le conte écrit, c'est que la tradition orale permettait d'affiner le rythme d'un récit en fonction de l'attention que le conteur sent chez son auditoire. Ouais, quoi. Ouais. Et, donc ça change à chaque représentation. Oui. Ouais. Et moi je peux partir sur une idée qui me semble intéressante, mais après il faut que j'arrive à la développer de manière naturelle et je veux pas avoir recours à des artifices faire monter la sauce. Tu laisses aller. Je laisse aller, je laisse venir. En musique, ça marche bien, ça, je trouve. Ouais. Là, je lisais le bouquin de Keith Richards. Ouais. Et il dit qu'il joue une progression d'accords, mais inlassablement, mais pendant des heures et des heures. Et la chanson finit par arriver et elle se mettre en place ça. Naturellement. Ouais. Et moi, j'adore ces morceaux-là des Stones où on sent qu'il y a. Il y a ce truc-là dans la musique, quoi. Fluide. Bah oui, tout Exile on Main Street, on voit bien que les morceaux peuvent démarrer sur une idée et tout ça, mais en même temps, il y a une espèce de truc travail, qui s'installe. La période pour moi adorée des Stones est adorée. C'est les Sticky Finger, Let It Bleed, Exile on Main Street. Je vois bien, et il le dit finalement dans son autobiographie, que c'est travaillé comme ça. Et les autres en ont marre. Et moi, ça m'arrive de ruminer les histoires comme ça. C'est-à-dire que si les idées étaient une progression d'accords, j'articulerais les idées inlassablement jusqu'à ce qu'elles finissent par s'entremêler d'une manière la plus naturelle qui soit, quoi. Et souvent, est-ce que c'est le dessin qui amène les mots ou les mots qui amènent le dessin? De plus en plus, les deux sont étroitement liés. On a travaillé Boboland d'une manière très très imbriquée entre le dessin et l'écriture. Et Sacha, tout le premier chapitre, je me suis laissé guider par le dessin. Je me mettais en position de... bipolaire, de raconteur et d'auditeur en même temps. Donc je relançais mon attention dès que je m'emmerdais en tant qu'auditeur. Et donc c'est une espèce d'impro, mais qui était aussi guidée par le dessin lui-même. Et ça m'arrivait d'écrire un scénario, un dialogue autrement que comme je l'avais envisagé, parce que j'avais finalement dessiné une expression qui m'était arrivée sous la main, qui m'indiquait plutôt cette direction-là que celle-là, voilà. Puis c'était assez plaisant de démarrer une histoire comme ça, parce que finalement, encore une fois, comme en musique, on croit, quand on improvise autour d'un accord ou de trois accords, et là vraiment on est loin de l'improvisation de jazz, hein, ou de l'improvisation virtuose, on pense que c'est de l'improvisation, mais en fait c'est une manière de se resserrer autour de ce qu'on a envie de dire, mais sans trop savoir quoi c'est au départ. Et c'est ce qu'on a envie de dire va finir par remonter à la surface au fur et à mesure qu'on resserre. Alors c'est un embryon, puis à un moment donné, ça... C'est comme si on était un révélateur de quelque chose qui était au fond de soi et qui arrive à la surface. Ouais. C'est beaucoup plus ça que l'embryon qui va se former. J'ai pas l'impression que je suis en train de construire quelque chose ou de développer quelque chose. Je suis vraiment en train de révéler un truc qui était présent, mais que je savais pas où trouver, où aller chercher, etc. Et je sais qu'il y a des musiciens qui travaillent comme ça, et c'est assez fort, hein, ce qu'ils arrivent finalement à faire ressortir. Il y a des dessinateurs, hein, qui travaillent comme ça, Moebius, De Crécy, Blutch, Munoz. Et justement, je trouve que ces dessinateurs ont la position du musicien par rapport à leur dessin, ouais. C'est-à-dire qu'ils dessinent réellement au moment où ils sont en train de dessiner, c'est-à-dire qu'ils modulent leurs traits en fonction de ce qui est en train de se faire, en fonction de ce qu'ils ressentent. Et je trouve ça fabuleux, quoi. Et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment expérimenté jusqu'à il y a quelques années. À force d'observer un peu de près Lutch, de Crécy, de discuter avec Moebius, avec Munoz, de les voir faire. Et puis à force de me mettre à la musique aussi, faire le rapprochement des deux, ça m'a aidé à envisager le dessin de cette manière-là. Et finalement, par exemple, Sacha, je l'ai vraiment construit autour de trois personnages, comme on improvise autour de trois accords, quoi. Okay. Et j'ai vraiment, dans ma tête, tout le livre est construit comme un morceau de musique, avec un coda à la fin, c'est-à-dire je reprends un thème et puis je baisse le son, quoi. Ok. Voilà. Ah, c'est un travail musical. Ouais. Tu rencontres les gens qui font le même travail que toi, à quel endroit, à des séances de signature, à des salons. Blutch, c'est un ami. À un moment, Philippe avait partagé un studio de travail avec lui. Moebius, j'ai eu la chance de le rencontrer à des festivals. J'ai été chez lui. Ouais, j'ai été chez lui, je l'ai interviewé, enfin... J'avais organisé d'ailleurs à Angoulême, j'étais pas celui qui a organisé le truc, mais j'étais celui qui a provoqué une table ronde avec Moebius et De Crécy, Blutch, Ludovic de Burn et Hugues Micol autour du Major Fatal, okay. Qui est un livre... C'était pas au départ un livre, c'était un feuilleton publié dans Métal Hurlant, mais totalement improvisé. Ou en plus... Improvisé dans quel sens? Ben, Moebius ne savait pas ce qu'il allait dessiner le mois d'après, quoi. Okay. Et dans cet album, il s'était engagé à dessiner ces pages-là, parce qu'il avait promis à Dionné, rédacteur en chef de Métal Hurlant à l'époque, là on est dans les années 80, ouais, qu'il serait présent dans le journal tous les mois pour pousser les lecteurs à l'acheter. Ah ouais, c'est ça. Donc il improvisait et il se permettait aussi de changer de dessin, enfin de dessiner une fois de manière réaliste, une autre fois de faire un personnage avec le même personnage qu'il avait dessiné de manière réaliste comme un super-héros, de le faire avec un gros nez, enfin en l'occurrence le Major Gruber. Et puis au bout du compte, ça a fait un livre. Et moi, j'avais été vraiment assez frappé par ce livre, quoi. Ça m'avait vraiment étonné et poussé à éventuellement envisager la bande dessinée d'une autre manière. Mais à l'époque, j'étais à mes débuts, mais j'étais aussi très très obnubilé par, enfin, ou en tout cas dirigé par l'histoire, l'histoire, tu vois, enfin, quand je dis par l'histoire, le Major Fatal m'a impressionné, mais en même temps, en tant qu'auteur de bande dessinée, ce que je voulais, c'est apprendre à savoir raconter des histoires. Donc, je m'étais éloigné un peu du Major Fatal pour aller vers des récits très, disons, plus construits, quoi. Donc, Henriette, un début, une fin, etc. Et avec Philippe, on était dans cette direction-là. Mais quand De Crécy et Blutch, et beaucoup plus jeunes que Philippe et moi, hein, quand ils sont tombés sur le Major, ils ne savaient pas que c'était un feuilleton, ils pensaient que le livre a été sorti comme ça. Et eux, ça leur a vraiment envie de faire une bande dessinée qui est devenue, par exemple, pour Ludovic de Burme, Lucille ou Le Grand Hôte, qui est paru chez Cornelius. De Crécy, c'était Journal d'un fantôme, et Monsieur Fruit aussi qui était paru au Seuil. Hugues Micol avait sorti 3 chez Cornelius aussi. Et puis Blutch avait fait Michoum, qui était paru chez Cornelius. Il y avait beaucoup de bouquins chez Cornelius. Et moi, pour moi, ces bouquins-là découlaient du Major Fatal. Et alors, je leur en parle et ils me disent, mais oui, nous, quand on a vu le Major, on s'est dit, on a envie de faire pareil. Et ces bouquins-là, c'est vrai que ça découle de ça. Donc, une table ronde autour de ça. Et quand j'en parle à Moebius, d'abord, il est ravi parce qu'il adore De Crécy, Blutch et tout ça. Et puis, du coup, aussi, parce que le Major Fatal, c'est un livre qui compte beaucoup pour les dessinateurs. C'est comme le Velvet Underground pour les musiciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté, mais tous ceux qui l'ont acheté ont fait des livres après, comme tous ceux qui ont acheté le disque à la banane ont fait des groupes après. Voilà. Donc là, voilà, ça c'est un exemple avec Blutch de Crécy. Alors c'est un livre de référence. C'est un livre de... Comme les Velvet étaient... Voilà, de référence. Et donc, Moebius était à la fois flatté, et à la fois il disait, mais je suis quoi moi là-dedans, tu vas me mettre dans de la résine, je suis mort, c'est ça. Je dis, mais non, mais pas du tout. Donc je suis allé le voir pour en parler, et là il me sort des pages du Major Fatal qui ont été publiées depuis, mais qu'il avait dessinées de manière totalement souterraine, c'est-à-dire... par rapport à l'œuvre publiée, connue de Moebius ces derniers temps, ou de Giraud, puisque c'est la même personne, ouais, Jean Giraud et Moebius, bah, il avait continué à dessiner en maquisard le Major Fatal. Et c'est une œuvre incroyable, parce que, d'abord, énormissime, il m'a sorti un petit carnet, ça n'a toujours pas été publié, un petit carnet je crois qu'il doit faire 8 cm de haut maximum. Il y a 150 pages de bande dessinée là-dedans, du Major Fatal. Avant et ou après ou pendant? Enfin, après, okay. Pendant, entre les années 80 et maintenant, il a dessiné ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une évolution quand tu lis... C'est du super Moebius. Enfin, c'est vraiment... C'est magnifique. En plus, moi, je suis tombé sur le cul en voyant ça. Et c'est pas encore publié. Mais non. Et alors, il a fait... Alors, je sais pas, je lui pose la question, il va les publier, de toute façon. Mais entre-temps, il a fait Inside, qui est une œuvre magnifique. Hein, Donc, il fait autre chose en plus. Mais ce qui m'intéressait, c'est là où je lui ai dit, mais non, mais pas du tout. Tous ces livres-là découlent du Major Fatal, le premier. Et en plus, je pense qu'il s'est lui-même positionné comme... ce qu'il a influencé, c'est-à-dire qu'il a fait ce livre, le premier, sans savoir que c'était un livre, en improvisant dans métal de moins en moins. Ouais. Et ça lui a donné envie de continuer à travailler comme ça. Il n'aurait pas eu l'idée s'il n'y avait pas eu ce truc révélateur. Déclic, voilà. Et c'est là où je dis le truc révélateur, c'est-à-dire que tu as des choses à sortir, mais tu n'es pas forcément au courant. Et c'est quand tu es occupé à faire autre chose que ce truc-là ressort. Voilà. Ouais. Donc le dessinateur ou le scénariste rumine. Et pendant qu'il rumine, bah ça remonte à la surface. Et tout comme le musicien, encore une fois, on n'est pas obligé toujours de travailler comme ça. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est la formule. Non, mais lui, ça a été sa porte de sortie. Non, mais en plus, Blutch a travaillé comme ça avec Mitchum. Moi, j'adore ce bouquin, mais c'est un bouquin laboratoire. C'est des livres qui plaisent énormément aux auteurs eux-mêmes. Parce que c'est des livres déclic, à la fois pour les auteurs eux-mêmes, ceux qui les font. Et pour les futurs dessinateurs. BDistes. Non. Auteurs de bande dessinée. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est des œuvres de référence. Ouais, et puis c'est des œuvres qui nourrissent. En même temps, non, ouais. Est-ce que tu crois que de futurs dessinateurs qui se réfèrent à ton travail, est-ce qu'il y a des œuvres Non, parce que en fait, nous on a peut-être influencé certains dessinateurs, mais d'une manière purement formelle. Moi, ce que je trouve très très fort de la part de Moebius ou même du Velvet, Lou Reed, John Cale et tout ça, et je trouve ça plus intéressant d'influencer les gens d'une manière beaucoup plus profonde, c'est-à-dire apprendre à réfléchir autrement. Mais on réfléchit aussi en dessinant ou en faisant de la musique. Hein, c'est pas... Et c'est vrai que le Velvet a fait que les gens ont fait de la musique différemment après. Certains ont copié le son du Velvet, quoique j'en suis même pas sûr, parce que c'est pas un son qui nous fait dire on va essayer de le copier, parce que c'est tellement brut. Alors après, il y a des gens qui ont copié Moebius, mais je trouve pas ça très intéressant. Mais quand on regarde le travail de Burm ou de Blutch, on se dit pas ils ont copié formellement Moebius. Mais on sent qu'il y a quand même. Mais ils ont été nourris par cette approche. Et ils se sont dit, mais on peut envisager la bande dessinée comme ça. Sans faire de limitation. Voilà. Et travailler en élaborant au fur et à mesure. Quoi. Et c'est. Je trouve ça vachement. Plus riche de fonctionner comme ça déjà. Moi, en tant que lecteur ou en tant que récepteur, d'une manière plus générale, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire que j'essaye de me nourrir des gens qui me font penser, ressentir différemment. Quoi. Es-tu un type qui va lire beaucoup de BD, de bande dessinée, ou si t'es En suivant les périodes, je lis beaucoup, ou j'écoute beaucoup de musique, et puis il y a des périodes où je lis moins, ou pas du tout. En vacances, est-ce que tu fais rien? J'aime bien dessiner tout le temps, et puis en plus, là, depuis quelques années, je fais tous les jours de la musique, parce que j'aime bien ça, quoi. Après, éventuellement un groupe ou un album. Je fais de la musique avec Jean-Claude Denis, qui est également auteur de bande dessinée. Ouais. On a un groupe ensemble. Enfin, parfois, on joue avec un batteur. En français ou en anglais? On chante en anglais, ouais. Jean-Claude a composé des chansons en français. Moi, j'y arrive pas. J'aimerais bien. Je suis assez attiré par ce que font les gens comme Bertrand Belin ou JP Nataf. La nouvelle chanson française. Oui, c'est pas vraiment de la chanson française. On sait pas ce que c'est. C'est-à-dire, c'est des objets inidentifiables Et de plus en plus identifiés en tant que tels. Bah, c'est-à-dire, des univers, ouais. Et il y a un label français que j'aime beaucoup qui s'appelle les Discobiens. Ouais. Et il y a des gens comme Flop. Et c'est vraiment super, quoi. Il y a une écriture qui est très qui paraît très simple, très naturelle et qui est en fait très très élaborée. Et c'est une écriture aussi très musicale. C'est pas une écriture littéraire. On sent la sonorité à travers les mots. Bertrand Belin, c'est aussi très musical. C'est c'est pas ta ta ta ti ta ta ta ta ta ta ta ti ta ta ta ta, voilà. Ouais, voilà. Et donc c'est ça qui me plaît énormément, quoi. Et c'est ça qui me fait envie, mais j'ai naturellement une tendance à écrire en anglais, d'abord parce que ayant grandi en Irak et au Liban, je parle l'anglais presque aussi couramment que le français, ouais. As-tu déjà fait des BD, hein, des bandes dessinées en anglais On en a fait une de 5 pages, c'est pour DC Comics, on a participé à un collectif de Bizarro. Ok. Où on a fait Monsieur Batman. Monsieur Batman, ok, ouais, oui. On a fait le cousin français de Batman. Oh, Monsieur Batman. Ouais. Et là, lorsqu'on s'est vu ici, tu étais chez les primaires, tu travaillais sur un... J'ai un graveur, en fait. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est responsable des scans. Donc, il scannait nos carnets de voyage. On va sortir un livre aux éditions du Chêne à la fin de l'année. Pour les fêtes, ouais, voilà, c'est un gros livre qui reprend l'ensemble de nos carnets respectifs. Et donc là, j'étais chez le graveur pour revoir les scans qui étaient majoritairement défectueux. Défectueux, c'est mieux dit, défectueux, oui. Et là, c'est un travail qui te revenait pas, mais comme tu es que je prends, que je prends en charge, parce que je veux quand même que le livre soit bien. Oui, surtout que c'est une brique. Hein. Bah, il faut reconnaître aussi que la manière d'équilibrer des dessins faits au lavis ou au bic, c'est très subjectif, c'est-à-dire aller vers des... Mais tu travailles pas à l'ordi, toi ? Si, moi je travaille à l'ordinateur, mais... Je dessine sur du papier avec un crayon normal et ensuite je scanne mes dessins et j'équilibre les valeurs ou les couleurs à l'ordinateur. Quand on fait de la bande dessinée, quand je fais de la bande dessinée, je fais mes couleurs à l'ordinateur. Okay. Mais j'ai envie de revenir vers la gouache et l'aquarelle. Donc j'y reviens là. Avec des dessins, des illustrations, mais pas encore avec la bande dessinée. C'est beaucoup de travail aussi. Hein. Bah, de toute façon, l'ordinateur, c'est beaucoup de travail. La seule chose que ça permet, l'ordinateur, c'est de ne pas remplir le frigo avec des pots de gouache et d'encre la nuit pour pas que ça sèche. Alors la femme est plus heureuse. Ah, mais j'utilise le frigo autant qu'elle. Et on essaye de maintenir... on essaye d'être équilibré sur ce plan-là. D'être sûr, oui. Hey, avant de se quitter, j'ai 10 questions. Oui. Ok. Dis-moi. Tu réponds soit en réfléchissant ou. Si tu étais un liquide. Un liquide ? Oui. De l'eau. Pourquoi ? J'aime beaucoup. J'aime bien boire de la bière, mais l'eau, c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est super beau. Si tu, à regarder et à boire. Ouais, c'est ça? Ouais. Si tu étais une ville. J'ai été à Istanbul et j'avais l'impression d'être chez moi. Ah oh, quand même, hein? Certainement une ville bordélique avec plein de ruelles, pas parallèles. Bah, c'est des villes en plus qui me plaisent beaucoup parce qu'elles sont squattées par les Turcs. Moi j'aime bien les quartiers arabes à Paris. Une ville qui me ressemblerait. Voilà, c'est une ville avec du bordel, plein de ruelles pas parallèles et qui finissent par déboucher sur de l'eau. Donc Lisbonne, Istanbul, Marseille, New York, Barcelone. Québec aussi. Je suis pas allé à Québec encore. Okay. Je suis allé plusieurs fois à Montréal, mais jamais à... Mais il y a effectivement l'eau aussi à Montréal. Et c'est plus beau à Québec, c'est pas chaud. Hein. Par exemple, Buenos Aires. Buenos Aires. Oui. Parce que Buenos Aires. La ville tourne dos à l'eau. Et donc j'avais un frein à me sentir complètement à l'aise dans cette ville. Je ne comprenais pas pourquoi cette ville avait décidé. Le côté peut-être singulier. Pourquoi est-ce qu'elle avait décidé de tourner le dos à l'eau. C'est peut-être bien. Les gens qui ont voulu faire ça aussi. Bah oui, c'est ça, ouais. Si tu étais une langue. Bah, la mienne. Française? Anglaise? Ah non, je parlais de la langue dans la bouche. Non, moi je parle une langue parlée. J'aime beaucoup. En fait, plus ça va et plus je me dis l'italien ou l'espagnol, qui sont pas, qui se ressemblent pas. Il y a quelque chose de nerveux dans l'espagnol et il y a quelque chose de langoureux dans l'italien. Un mélange des deux, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, ceux qui parlent pas très bien l'italien et l'espagnol, ils créent une sorte de sabir qui est un mélange des deux. Ouais. Donc ça serait ça. Si tu étais une époque, aujourd'hui, 2011. Ouais, ouais. Tu trouves que c'est une très belle époque, c'est. Bah, c'est une époque, c'est la mienne, c'est celle que j'ai la chance de vivre, beaucoup plus que la malchance de vivre. Je pense, j'aurais pas voulu vivre à une époque où il n'y avait pas d'ordinateur, où il n'y avait pas des guitares comme celles que je peux avoir. Alors, t'es heureux ouais. Dans le luxe que cette époque-là t'amène et le futurisme. Ouais, aussi. Je trouve que le confort, l'ordinateur est un outil à la fois dangereux mais merveilleux aussi. Ouais. L'avion, c'est quand même absolument fabuleux, quoi. Je pense que le fait de pouvoir voyager, c'est problématique pour la survie de la planète, mais en ouais. Même temps. Cette génération du début du XXe siècle qui s'ouvrait à un monde moderne mais qui a, c'est-à-dire nos grands-parents, mes grands-parents en tout cas, mais qui n'avaient jamais vraiment voyagé ou qui quand ils l'ont fait c'était contre leur gré. Mais les familles étaient plus nombreuses aussi. On voyait bien qu'il y avait plus d'ouverture d'esprit chez les gens qui avaient franchi voyager. Des frontières que chez les gens qui étaient restés tout le temps dans leur quartier, quoi. Effectivement. Et je pense que ma fille est heureuse de pouvoir voyager à pas cher et de parcourir le monde. Ça ouvre les horizons. Ouais, mais oui, c'est quelque chose qui est un peu lourd parce que on a beaucoup plus de connaissances des malheurs du monde. Ah, c'est vrai. Et on est peut-être dans une phase où on est en train de s'éduquer, c'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que ce monde est petit et qu'on est tous connectés. Ce que certains philosophes s'employaient à dire avant, mais que personne n'écoutait. Sauf qu'aujourd'hui, on le vit réellement et parfois lourdement. C'est-à-dire qu'il y a un type qui se fait écraser à l'autre bout de la planète. On est au courant, mais tout de suite, quoi. Et ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, c'est notre monde aujourd'hui. Et c'est à la fois lourd, mais c'est à la fois plutôt mieux de se rendre compte de manière aussi lourde que notre monde est vraiment petit, quoi. J'aime bien les années 20, mais... Pourquoi ? Bah parce que j'aime bien les gens qui vivaient à cette époque-là, à Montparnasse, à Montmartre, à Paris. Le vieux Paris. Ouais. Mais il y a des gens aussi bien aujourd'hui, hein, donc... Non, puis j'aime bien mes amis. Si tu étais un mot. Hein ? Un mot, si tu étais un mot. Un mot ? Oui. Je sais pas. Un mot, j'ai pas de. Je sais pas. Je donnerais plus facilement une note qu'un mot. Bah, ça peut être un mot, c'est une note. J'aime bien le. J'aime bien le mi mineur. Mi mineur. Ouais. Ok. Non, oui. Si tu étais un aliment. Je ne suis pas un aliment, hélas. Heureusement, j'aimerais pas qu'un faux me bouffe. Mais ça dépend. Ça peut être autant un fruit que. Ouais, j'aime bien la pomme Fuji. Ok. Oh, ouais. Mais c'est précis, Fuji. Ouais, la pomme Fuji. Sinon, la... Ouais, non, mais la pomme Fuji, ça me plaît bien, ouais. Si tu étais une saison... je suis pas de... J'aime bien le printemps ou l'automne, hein. J'aime bien l'automne les... pour cueillir ta pomme fusée. Oui, voilà. c'est vrai que c'est des saisons où les fruits sont plus intéressants déjà, et les légumes. Non, mais j'aime bien ce moment où il fait beau, mais l'air est doux. Donc là, c'est pas si mal. Hein. Voilà, on est bien là. Ouais, il a fait super chaud, il y a une semaine, mais j'étais pas là. Moi non plus. Ouais, là, on est bien là. On pourrait être au printemps ou à un moment en automne. L'année dernière, c'était incroyable. Cette année, c'est très bien. Donc, je sais pas. Bon, c'était la canicule ici. Ah ouais? Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel, de mon corps, oui. Ou d'un corps. Du tien ou d'un corps. Ça me ferait chier de ne pas avoir de sexe, donc je commencerai par ça déjà, donc le sexe, quoi. Puis le après, sexe. Après... On est diffusé à minuit, donc... Faut pas que tout tourne autour de ça, mais... Ok. Même si on veut pas, c'est ça. Tout tourne autour de ça, on veut. Bah, je crois, ouais. Ça, c'était Eva Alsacienne, donc ça tourne autour des femmes. Ouais. Je pense que, de toute façon, c'est notre point de gravité. Ouais. Si tu étais un moment de la journée... J'aime bien 10h30. 10h30, c'est bien. Le matin? Non, 10h30. 22h30. Non, oui, 10h30 le matin. Ouais, ok, ouais. 10h30, ok. Ouais. Ouais, c'est ça, ça fait partie. Si tu étais un autre individu. Ah non. Non? Restons soi-même. Bah, restons déjà, on est complexe, hein, donc je suis plusieurs individus et je travaille fort à rester moi-même. À centrer cette personne que je propose à mon entourage et aux autres. Quoi. Donc, non, puis en plus, là, je suis à un âge où il vaut mieux être en paix avec soi-même et être la personne qu'on a choisi d'être. On se forge à devenir ce qu'on est. Donc je suis ce que je suis aujourd'hui et si tu me demandes qu'est-ce que tu peux être d'autre que toi, je dirais c'est un peu, j'aurais le même problème que peut avoir Woody Allen, c'est-à-dire il ne peut être que Woody Allen dans un film ou Clint Eastwood ou Bourville ou tu vois, ce genre d'acteurs quoi, qui ont voilà, voilà, je suis moi. Et je peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais ce sera moi quand même. Effectivement. Est-ce que tu es content de ton cheminement? Oui. Oui, oui. Oui, oui, je suis... Depuis tes origines? J'ai pas de regrets jusqu'à présent. J'aime mes amis. Je crois qu'à l'âge où je suis, on se définit par ceux qui nous entourent. Et ce qu'on est et notre activité, c'est-à-dire j'aime ce que les deux disciplines qui m'occupent, c'est-à-dire le dessin et la musique. Je suis entouré de gens que j'aime vraiment beaucoup, que ce soit ma compagne, ma fille, mes amis. C'est des gens qui m'intéressent et me plaisent dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont. Donc je me considère comme étant très très heureux, ouais, très très heureux. J'ai beaucoup de chance d'être à l'endroit où je suis aujourd'hui. Ouais. Franchement, hein, en plus, par rapport à ce cheminement, comme tu dis, c'est-à-dire d'avoir eu la chance d'avoir des parents comme mon père et ma mère qui m'ont amené en France au moment où ça commençait à être la merde au Liban. Et en plus, c'est le pays où tu pouvais envisager de faire de la bande dessinée. J'ai déjà cette chance-là, quoi. Mon grand-père, ma grand-mère, qui sont nés à Chypre ou à Jérusalem, ils ont pas la chance d'avoir pu faire, franchement, ce qu'ils voulaient faire, peut-être, j'en sais rien. Quoique mon grand-père, j'ai l'impression, ça va, quoi. Il est parti de chez lui à 14 ans, il a toujours fait ce qu'il voulait, quoi. Mais je suis pas sûr qu'il soit content de la fin de sa vie, mais... Mais là, moi, jusqu'à maintenant, tout, ça tout va. Tu baignes dans le vieux. Ouais, non, mais enfin, on a ces petits désagréments, oui, mais oui, c'est, oui, ça, la c'est, j'ai la chance d'avoir des petits désagréments. Pas des... Oui, oui, bah, c'est, je sais plus dans quel film, c'est, si c'est ça tes malheurs, c'est que t'as une bonne vie. Oui, oui, c'est ça. C'est ce que je peux dire de mes malheurs. Ouais. Si c'est ça mes malheurs, j'ai une bonne vie. Alors, t'es heureux de ce que tu as fait depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Bah, je suis pas satisfait, c'est-à-dire non, que je travaille à améliorer. Non, mais encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement, c'est pas le point d'arrivée. C'est la création, c'est le changement. C'est le cheminement, quoi. Ouais. Je suis sur un sentier qui me plaît bien, où j'aime bien ce que je vois autour de moi, quoi. Après, je suis comme tout le monde, je suis un peu consterné par certains aspects de soit de la politique française, soit de la politique internationale. Mais là, tu parlais, quelle serait ton époque préférée? Mais à toutes les époques, on pouvait être consterné par la connerie humaine. Ah, quoi. Ouais. Je pense que la connerie humaine n'a pas de limite. Ouais, ouais, malheureusement. Mais c'est ce qui alimente aussi les créateurs, hein, les humoristes, les scénaristes. Je crois que c'est ce qui commence par les effrayer beaucoup plus. Et par les pousser à rester chez soi plutôt que de sortir. Et quand on est chez soi, on s'emmerde. Et quand on s'emmerde, ben on commence à fabriquer, à bricoler des trucs, quoi. Et voilà, c'est ça. Et en terminant, quelle folie à la radio tu aimerais faire en terminant mon émission? Une folie audio, n'importe quoi, n'importe quoi. En terminant. J'ai pas de... Avec Jean-Claude et une amie, Katie, on a fait des concerts, on a fait un petit concert d'une demi-heure à la fin d'un festival. Ici à Paris? Ouais, ouais. Ok. Et puis à un moment, j'ai eu envie de, pendant une chanson, j'ai eu envie de pousser des hurlements. Ok. Et c'est ce que tu as fait? Ça a surpris les autres parce que j'avais jamais fait ça et j'avais eu envie de faire ça, ouais. Et là, ils n'ont pas pensé de bloquer le micro? je trouve que le cri a des fonctions... Ouais, primitif. Ouais. Ouais, le cri primal, ou je libérateur, sais pas. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas de la colère, c'est un trop-plein d'énergie, c'est ou ça. Un trop-plein de stress, ou un trop-plein qui finit par être évacué par un cri. Par un cri. Et je pense que les musiciens qui sont hyper bruyants sur scène ont cette particularité d'être très très calme dans la vie de tous les jours. Heureusement qu'il faut être paisible. Si tout le monde était comme Iggy Pop sur scène... Enfin, peut-être qu'à un moment de sa vie, il était incontrôlable, mais parce qu'il se mettait beaucoup de choses dans le corps incontrôlable. Mais je pense qu'à côté de ça, je crois que c'est quelqu'un de très... très contrôlé. Dans la vie de tous les jours, très peut-être aujourd'hui encore plus qu'avant, très... Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Wayne Kramer, oui. Qui est quelqu'un de très très discret, presque timide, très calme. Et on peut pas dire qu'il ait eu une vie très calme. Non, bien au contraire. Et il a fait beaucoup de bruit sur scène, oui. mais en dehors de la scène, il n'y a plus rien. C'est pas qu'il est plus rien, non, mais c'est qu'il n'est pas, il est pas ce bolide qui file à 300 à l'heure. Et Dieu merci parce que ça ne dure pas longtemps. Donc moi j'ai fait mon moment de folie hier, ça m'a calmé. Et pour donc, les prochains mois. Pour le prochain spectacle, jusqu'au prochain spectacle. Et j'ai écouté un disque en concert des Abbott Brothers. Ouais. Et alors il y a le disque en studio, j'ai pas le titre du disque, mais il est très très calme, c'est un disque très... Très posé, très très acoustique. Mm. Et puis la version live, volume 2, c'est volume 2. À un moment, ils se mettent tous les deux à 3 km du micro, ils se mettent à hurler, mais comme des porcs, quoi. Et ça, c'est probablement ça qui m'a donné envie de crier à un moment. Parce qu'avec Jean-Claude, on fait des chansons très très douces, quoi, en demi-teinte, mid-tempo, down tempo. Je suis naturellement porté vers le mid tempo. Okay. Ou le groove mid tempo comme les trucs de la soul voilà. Et donc en écoutant les Avett Brothers qui sont très folk, très mid tempo aussi, c'est genre waouh, ben en fait on peut hurler sur un morceau calme et c'est vachement bien. Ouais, ouais, et ouais. Il faut pas hurler dans le micro, faut non, se mettre très loin du micro. Que pour que, ouais, voilà. Et j'ai trouvé ça, mais super. Je vais le refaire, je vais le refaire. Dès que j'en aurai l'occasion. Au prochain spectacle. Ouais. Charles Berberian, merci d'être venu à mon émission. Ben, merci à toi. Et on se retrouve à Québec sans doute pendant le salon du Ring. Ça me déplairait pas. Moi, j'ai raté, je crois, une ou deux invitations qui tombaient au mauvais moment. Quoi. Ok. Alors ça va se reproduire. Ah oui. Voilà. Alors merci Charles. Ben, merci à toi. À la revoyure. Ouais.